Exercice spirituel de Saint Ignace de Loyola, traduit sur le texte espagnol par le Père Pierre Génesso, J. de Gigore, éditeur, 1913. Explication de la méditation fondamentale. Il est de la plus haute importance de comprendre, selon toute l'étendue de nos forces, cette première méditation de Saint Ignace, et comme principe, et comme fondement. Nous présenterons donc ici quelques réflexions, en forme d'explication et d'application, afin d'ouvrir en quelque sorte la voie à ceux que l'expérience ne peut encore aider de ses leçons. Cette explication pourra encore nous apprendre avec quelle scrupuleuse attention nous devons peser toutes les paroles du livre des exercices. De grands sens y sont souvent cachés sous l'enveloppe de quelques mots peu apparents. Pénétrons ces sens par une méditation sérieuse, mettons-les dans tous leurs jours, et appliquons-les à notre conduite. Remarquons d'abord que cet exercice, désigné par les noms de principes et de fondements, est plutôt une considération, et a surtout pour but d'éclairer l'entendement, mais rien n'empêche de le rédiger en forme de méditation, comme on a coutume de le faire, et de s'en servir pour émouvoir la volonté. Cependant, le principal soin de celui qui fait les exercices doit être de convaincre pleinement l'entendement de cette vérité première et fondamentale de la fin. Et ici, je ferai remarquer volontiers que la force des exercices de notre saint fondateur consiste surtout dans cette plénitude de lumière qu'il donne à l'entendement. Partout c'est à ce point qu'il vise. Ils veulent avant tout que le retraitant saisisse et comprenne clairement, pleinement et intimement la vérité qu'il médite, et qu'il en demeure tout à fait convaincu. Lorsque cette vérité s'est une fois emparée de l'âme et la pénétrée, les affections de la volonté suivent d'elles-mêmes, et elles n'en sont que plus vraies et plus solides. Du reste, Saint Ignace, qui nous avertit sans cesse de demander à Dieu sa grâce, ne sépare jamais celle de la volonté de celle de l'entendement. Il faut donc, dès cette première considération ou méditation, recommander à celui qui commence les exercices de demander à Dieu, avec de vives instances, la lumière, afin de comprendre à fond cette première vérité, et la force ou la volonté d'embrasser toutes les conclusions pratiques qui en découlent, et qui se présenteront à lui comme d'elles-mêmes, pourvu qu'il médite sérieusement. De même, qu'il demande la grâce de s'appliquer sincèrement et sans se faire illusion, à lui seul, cette vérité avec toutes ses conséquences, « Seigneur, faites-moi connaître ma fin, pour que je sache ce qui me manque. » Vulgate psaume 38, 5. Car nous sommes véritablement dans les ténèbres, et lorsque la lumière divine se montre à nos yeux, elle produit sur nous le même effet que la lumière du jour sur un homme, lorsque l'obscurité de la nuit commence à se dissiper. Le crépuscule lui fait apercevoir les plus grands objets, qu'il ne distingue pas encore d'une manière certaine, le jour augmente, il distingue clairement ces objets et même ceux qui sont plus petits. Enfin un rayon de soleil pénètre dans son appartement, et il commence à découvrir une infinité d'atomes entièrement invisibles à une lumière moins vive. Ainsi la lumière divine a-t-elle coutume de nous éclairer, afin que nous voyons ce qui nous manque. Cependant il ne suffit pas que l'entendement soit éclairé, il faut encore que la torpeur de notre volonté soit excitée, que sa faiblesse soit fortifiée, de là la nécessité de la prière pour obtenir cette double grâce. La fin de l'homme. L'homme est créé, pour cela, pour cette fin, pour louer, honorer et servir Dieu, notre Seigneur, et par ce moyen, en le louant, en l'honorant, en le servant, sauver son âme. L'homme, de toutes les créatures visibles seul raisonnable, seul doué d'intelligence pour connaître, et de liberté pour choisir et embrasser ce qu'il veut, l'homme, le plus noble de tous les objets créés qu'il nous est donné de contempler, l'homme, terme universel, donc tous, donc moi-même, est créé. C'est lui qui nous a fait, nous ne nous sommes pas faits nous-mêmes. L'homme, moi encore, chef-d'œuvre visible de la toute-puissance de Dieu, dont la sagesse infinie ne peut rien tirer du néant sans se proposer une fin digne d'elle, qui ne peut s'empêcher de vouloir et d'exiger que cette créature qui lui appartient, qu'il a douée de raison et de liberté, tende vers la fin qu'il lui a marquée. Non, mon Dieu et mon Créateur ne peut se montrer indifférent à ce que je tende ou non vers ma fin, il ne peut regarder d'un même œil mon obéissance et ma rébellion. Cette indifférence s'oppose directement à sa sagesse infinie et répugne à tous ses attributs. Pour louer, honorer et servir Dieu, notre Seigneur. Le nom de Créateur appartient à Dieu seul, parce que seul il est celui qui est. Exode 3, 14. Source de tous les êtres, rien ne peut exister sans lui. Il est donc le maître de tout ce qui existait le nôtre, il a donc sur toutes les créatures un domaine souverain, inadmissible, un domaine que l'homme ne peut méconnaître sans crime et auquel ses efforts, aussi insensés que coupables, ne le soustrairont pas. C'est envers ce Dieu et ce Seigneur que l'homme a trois devoirs à remplir. Premièrement, le louer. Tout ce qui nous environne et tout ce qui est en nous publie ses perfections admirables, pourrions-nous lui refuser nos louanges? Les cieux annoncent sa gloire. Mes os diront, Seigneur, qui est semblable à vous? Ô Dieu, notre Seigneur, que, votre nom est admirable dans toute la terre. Que ma bouche soit remplie de vos louanges, et que tout le jour je chante votre gloire. Je célèbre votre grandeur. Psaume 18, 2, Psaume 8, 2. Secondement, l'honorer, ou textuellement, le révérer, en lui rendant un culte intérieur et extérieur, en me souvenant de sa présence en tout lieu. Qui ne vous craindra, ô roi des nations? Jérémie 10, 7. Troisièmement, le servir, me conserver dans une dépendance absolue de sa volonté en toutes choses, partout et toujours faire mes actions de la manière qu'il le désire, c'est en quoi consiste le service de Dieu. Car celui qui sert quelqu'un ne fait pas sa propre volonté, mais celle du maître qu'il sert. Ce devoir renferme, premièrement l'observation des commandements de Dieu, obligation commune à tous, deuxièmement la fidélité à remplir les devoirs particuliers de son état, troisièmement pour ceux qui n'ont pas encore fait choix d'un état de vie, et qui peuvent faire librement ce choix, de sérieuses réflexions sur une matière aussi importante. Quatrièmement enfin la formation d'un règlement de vie qui comprenne et embrasse toutes nos pensées, toutes nos paroles, toutes nos actions, et les dirige, non d'une manière arbitraire, mais selon la volonté de Dieu, qui nous est manifestée par une autorité légitime, ou par les lumières et les inspirations divines, etc. Servir Dieu, c'est encore lui rendre de bons offices, dont il n'a pas besoin, mais qu'il mérite tant que nous lui rendions. Ces bons offices consistent dans l'exécution de tout ce que nous savons lui devoir être agréable. Sa bonté est si grande, qu'il daigne les accepter et les récompenser avec beaucoup de libéralité. Ainsi le servent ceux-là surtout qui emploient leurs soins et leurs forces à le faire louer, révérer et servir par un grand nombre d'autres, autant qu'il est en leur pouvoir. Remarquez que, de ces trois devoirs envers Dieu considérés comme créateur, le premier, celui de le louer, est le plus facile. Le second, qui consiste à l'honorer et à le révérer, n'est pas encore trop difficile, mais le troisième, qui nous ordonne de le servir, rencontre d'immenses difficultés dans notre nature viciée par le péché. Le service de Dieu est sans doute capable de faire par lui-même la gloire et le bonheur de l'homme, puisque la volonté divine est toujours bonne, toujours parfaite en elle-même, et, pour la créature, toujours désirable. Cependant, tel est notre aveuglement, que rarement notre entendement connaît clairement la volonté divine, et, lorsque nous la connaissons suffisamment, telle est notre malice, que notre volonté rebelle refuse souvent de l'accomplir. L'homme ne veut dépendre que de lui-même. Nos lèvres sont à nous, quel est donc notre maître ? Répète-t-il avec les hommes, impie dont parle le roi prophète. Psaume 11, 5. Dans toutes ses actions, dans l'usage de toutes ses facultés, il affecte une liberté déréglée et une trompeuse indépendance. Voilà la source de tout le mal, comme la source de tout le bonheur pour l'homme, consiste à servir Dieu et à faire sa volonté. Heureux ceux dont la voie est pure, ceux qui marchent dans la loi du Seigneur. Psaume 118, 1. Répétons donc avec instance, Seigneur, que voulez-vous que je fasse? Acte 9, 6. Voilà pour la connaissance. Enseignez-moi à faire votre volonté. Psaume 142, 40. Voilà pour la pratique. Cette obligation de servir Dieu mérite donc de notre part la plus sérieuse attention, car, premièrement, elle rencontre en nous de grands obstacles, en second lieu, le service que nous devons à Dieu est de tous les instants et sans interruption. Car nous ne pouvons pas exercer sans cesse des actes de louange et de respect, des efforts aussi continus surpassent la faiblesse de notre nature. Mais sans cesse nous pouvons et nous devons servir Dieu, c'est-à-dire exécuter sa volonté. L'accomplissement de ce devoir essentiel s'étend à tous les moments de notre vie, même à ceux de notre sommeil, même à celui de la mort. Après avoir attentivement médité ce triple devoir de l'homme, envers son Créateur, considérons que, comme rien n'est plus juste dans son objet, rien aussi n'est plus honorable pour la créature intelligente. Quelque difficile que cette obligation puisse nous paraître quelquefois, grâce à la bonté divine, il est toujours en notre pouvoir de l'accomplir, parce qu'il est toujours en notre pouvoir de tendre à notre fin, et que rien hors de nous ne saurait nous empêcher de l'atteindre, pas même le monde et l'enfer conjurés contre nous. Admirons donc la bonté de notre Créateur, qui nous a prescrit une fin qu'il ne tient qu'à nous seuls d'obtenir, considération qui doit être pour nous une source de tranquillité, de sécurité et de paix, au milieu des vicissitudes de cette vie. Si je veux ne pas me manquer à moi-même, rien ne peut m'empêcher de louer, d'honorer, de servir Dieu. Si je le veux, dès ce moment je suis l'ami de Dieu. Saint Augustin, Confession, livre 8, chapitre 6. Une autre considération me facilite encore l'obligation de tendre à ma fin. Dieu ne ressemble pas aux hommes, et, dans les entreprises que je forme pour sa gloire, il n'exige pas de moi le succès, il ne demande que la bonne volonté, et cette bonne volonté, par un don de la libéralité divine, dépend de moi tout entière. Rien, dit saint Augustin, n'est si facile à la bonne volonté que la bonne volonté elle-même, et cette bonne volonté suffit à Dieu. Saint Augustin, Sermon 9 du Verbe de Dieu, le Décacorde ou les 10 commandements. Enfin, tout ce qu'il peut y avoir de difficulté dans l'accomplissement de notre fin doit s'aplanir et disparaître en présence de l'utilité et de la nécessité de cette fin. Écoutons l'auteur des exercices. Et par ce moyen, en accomplissant ces trois sortes de devoirs, sauver son âme. Qu'est-ce que sauver son âme? De quelle importance n'est-il pas pour moi de sauver mon âme? Que mettrais-je en comparaison avec ce bien incomparable? Quel travail ou quel sacrifice pourra me paraître difficile, ne devra me paraître facile, léger, doux, pour obtenir un si grand bien, un bien dont la perte entraîne nécessairement après elle le plus grand de tous les maux? Car enfin, si je ne sauve pas mon âme, je la perds infailliblement. Or, perdre mon âme, c'est me damner pour toujours. Il n'y a pas de milieu, je ne puis m'arrêter entre le ciel et l'enfer, il m'est impossible de ne pas me perdre, si je ne veux pas me sauver. Donc, souveraine utilité, souveraine nécessité de mon salut. Or, cette fin dernière, qui est la béatitude de l'homme, et qui consiste à obtenir le souverain bien et à éviter le souverain mal, a une connexion nécessaire avec tout ce que nous venons d'expliquer. Ai-je été fidèle à louer, à honorer, à servir Dieu? C'est de l'accomplissement de ces devoirs que dépend le salut de mon âme, ce n'est, encore une fois, qu'en les accomplissant que je puis faire mon salut. Et rien sans doute ne fait ressortir avec plus d'éclat la bonté et la générosité de mon Créateur, que d'avoir uni inséparablement la louange, le respect, le service que je lui dois, avec mon utilité souveraine et mon bonheur éternel. Servir Dieu, condition préalable, sauver mon âme, conséquence nécessaire. Servir Dieu, c'est ma fin prochaine, je dois l'accomplir en cette vie, sauver mon âme, c'est ma fin dernière, je la posséderai dans l'autre. Elle est donc vaine la sollicitude de ceux qui ne paraissent s'occuper que du salut de leur âme, qui ne veulent parler que du salut de leur âme, et qui ne se mettent que peu ou nullement en peine de servir Dieu. Et par ce moyen sauver son âme. Apportons au service de Dieu un cœur sincère, et non seulement espérons que nous obtiendrons notre salut de sa divine bonté, mais ayons-en une confiance ferme et inébranlable. Ce n'est pas sans raison que l'on applique à la fin de l'homme, ces paroles du Sauveur. Une seule chose est nécessaire. Luc 10, 42. La fin de l'homme, c'est tout le bonheur de l'homme, la fin de l'homme, pour me servir des paroles du sage, c'est tout l'homme. Ecclésias 12, 13. Elle regarde tous les hommes, c'est une affaire qui est personnelle à chacun d'eux. L'homme, seul peut se sauver, personne ne peut le sauver sans lui. Une seule chose est nécessaire. Quelle que soit l'action que vous fassiez, si l'on vous demande, est-ce pour cela que vous êtes sur la terre, vous ne pouvez donner une réponse pleinement satisfaisante à cette question sans remonter immédiatement ou médiatement au principe posé dans la méditation fondamentale. Car, si toutes vos actions ne se rapportent pas à cette véritable et unique fin de l'homme, ou elles sont absurdes, où vous devez pouvoir leur assigner une fin ultérieure. Même pour les actions de leur nature utile et nécessaire, les plus conformes à la probité, les plus saintes, si on vous fait la demande. Est-ce pour cela que vous êtes sur la terre? Par exemple, est-ce pour étudier? Est-ce pour écrire? Est-ce pour prier? Peut-être pourrez-vous répondre, oui, c'est aussi pour cela. Mais ce n'est pas absolument pour cela. Car, si votre réponse était absolument vraie, il s'ensuivrait que l'action d'étudier, d'écrire, de prier, devrait être l'action de toute votre vie, que, Vous ne pourriez jamais la suspendre, ce qu'il est impossible d'admettre pour aucune sorte d'action en particulier. Mais le service de Dieu regarde véritablement tous les instants de notre vie, et la raison du service de Dieu satisfait pleinement à cette question, est-ce pour cela que vous êtes sur la terre? J'ajoute même, ce n'est pas seulement pour servir Dieu que nous vivons, mais c'est encore pour le servir que nous mourrons. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur, dit l'apôtre. Romains 16, 8. Nous devons le servir en vivant, nous devons le servir en mourant, une seule chose est nécessaire. L'application pratique de ce principe doit nécessairement varier selon la diversité des personnes. Est-il du service de Dieu que je fasse cette action? Cette action peut-elle m'être utile pour la vie éternelle? La réponse à ces questions dépendra d'une multitude de circonstances, de la position de celui qui fait les exercices, du but qu'il se propose, des passions peut-être qui le combattent. Est-ce un prêtre, un religieux, un homme, distingué par sa naissance, un savant, un marchand, un artisan, un soldat, un jeune homme, un vieillard, etc. Tous d'abord, comme hommes, comme chrétiens, doivent servir Dieu, mais celui-ci a des obligations particulières à remplir comme prêtre, celui-là comme religieux, cet autre comme revêtu de telle dignité, chargé de tel emploi, etc. Champ vaste, espace immense ouvert à des considérations bien pratiques. Seigneur, faites-moi connaître ma fin, pour que je sache ce qui me manque. La fin des créatures, et les autres choses, littéralement, qui sont sur la face de la terre sont créées pour l'homme, et pour l'aider dans la poursuite de la fin pour laquelle il est créé. Et les autres choses qui sont sur la face de la terre, Saint Ignace, comme il le fait voir dans la suite des exercices, ne comprend pas seulement dans ses paroles les créatures proprement dites, comme sont les animaux, les plantes, les fruits, et tout ce qu'il y a sur la terre. Sa pensée s'étend encore à tout ce qui est et existe, de quelque manière que ce soit, hors de Dieu, aux événements, aux vicissitudes humaines, et à tout ce que les hommes mettent au rang des biens et des maux. Nous ne trouverons pas, il est vrai, si nous remontons à l'état de justice originelle, que les maux aient été dans l'intention première du Créateur. Cependant, depuis la chute de l'homme, ils entrent dans le nouvel ordre de la Providence, et peuvent s'appeler objets créés ou créatures. Vous me direz, tout ce que Dieu a créé est bon. Je l'avoue, mais tout ce que Dieu a créé est, par sa nature d'objet fini, mélangé d'imperfections et de défauts dont il veut ou permet les suites. C'est dans ce sens que l'on doit entendre ces paroles de l'Écriture. Je suis le Seigneur, c'est moi qui forme les ténèbres et qui crée le mal. Ésaïe 45, 6. Et les phrases suivantes, si souvent répétées dans les livres saints et qui s'entendent des calamités même publiques, même des crimes des hommes, j'amènerai sur eux, etc. Jérémie 36, 31. Cette parole est sortie de la bouche du Seigneur, Ésaïe 28, 29, et tant d'autres passages semblables sont créés pour l'homme. Pour l'homme, l'homme, dans la création du monde visible, est la fin du Créateur. Dieu a tout créé avant l'homme. Il a préparé à l'homme une demeure, il lui a superbement meublé et magnifiquement orné un riche palais, puis il a fait l'homme, aux ordres et au service duquel il a destiné et soumis toutes les créatures. Pour l'homme. L'homme, pour Dieu. Les créatures pour l'homme. Ôtez l'homme, Faites disparaître du milieu des autres créatures, la seule qui soit tout à la fois corporelle et raisonnable, il n'y a plus pour le monde visible. Pour l'être privé de mouvement comme pour l'être privé de raison, de fin possible digne de la sagesse du Créateur. L'homme. Donc elle pour l'homme, et non l'homme, pour elle. L'homme est leur maître, et non leur esclave, il doit leur commander, non leur obéir. Plus à Dieu que les affections de l'homme, d'accord avec la nature, ne le privasse jamais de cette noble prérogative de prééminence sur les objets créés. L'homme, pour le servir, pour servir à ses besoins, à son utilité, à son plaisir même, mais aussi à son occupation. L'homme, matière et intelligence, l'homme, animal raisonnable, a besoin de travail. Même dans l'état d'innocence, Dieu, par un effet de sa sagesse autant que de sa libéralité, avait placé Adam dans le paradis de délices, afin qu'il le cultivât et qu'il en fût le gardien. Si les créatures, dans l'ordre actuel des choses, sévissent souvent contre les hommes, coupables, ces maux n'en sont pas moins créés pour l'homme, créés pour lui fournir l'occasion de pratiquer la vertu. Or, quoi de plus utile et de plus nécessaire à l'homme, après le péché surtout, la fin dernière des créatures étant, de l'aider dans la poursuite de la fin pour laquelle il est créé. De l'aider, premièrement, à servir Dieu ici-bas, fin prochaine de l'homme, secondement, à sauver son âme fin dernière de l'homme. Or l'homme, dans l'usage des créatures, peut et doit répondre en trois manières à la fin que le Créateur lui a proposée, et qu'il s'est proposé à lui-même en les tirant toutes du néant. La première manière est la contemplation, en s'élevant par la considération des créatures à la connaissance du Créateur, à la connaissance de cette sagesse sacrée, de cette puissance infinie, de cette bonté sans borne, de cette beauté sans imperfection, etc. C'est la pensée de l'apôtre, ce qu'il y a d'invisible en Dieu est devenu visible par la connaissance que nous en donnent les créatures. Romains 1, 20. La seconde manière est l'usage. La règle de cet usage est la nécessité, l'utilité, une récréation honnête, l'exercice convenable des facultés de l'âme et du corps. Ajoutez l'exercice de la patience, s'il s'agit de supporter des choses pénibles à la nature. La troisième manière est la privation, en nous abstenant de l'usage des biens délectables, par la vertu de tempérance et par la mortification. De ces trois manières de nous aider des créatures pour obtenir notre fin, la première est sans contredit la plus noble, la deuxième est commune, la troisième dont l'application, dans l'état d'innocence, était si facile, et à ne considérer que la défense du Créateur, se réduisait à si peu de choses, est devenue, dans l'état de nature déchue, d'une nécessité extrême, et devrait être, je ne dis pas fréquente, mais presque continuelle, en sorte que si, dans la pratique, nous paraissions méconnaître cette troisième manière de faire servir les créatures à notre fin, nous manquerions infailliblement de fidélité et de modération dans la deuxième, et nous nous rendrions absolument incapables de la première. Car si, dans l'usage des créatures, l'homme n'est pas constamment maître de lui-même, s'il ne refuse pas à la volonté propre et à l'inclination naturelle une partie de leurs demandes, il est hors de doute qu'il excédera les bornes de la tempérance, et que, loin de s'élever au Créateur par la considération ou par l'usage des créatures, il demeurera attaché à la matière, qui se changera pour lui en une fange, dans laquelle il s'enfoncera tous les jours de plus en plus. Si vous accordez à votre âme ses convoitises, Elle vous rendra la joie de vos ennemis. Ecclésias 18, 31. Enfin, l'effet principal que doit produire en nous la contemplation des créatures, c'est de nous élever par la considération des biens et des maux visibles à la pensée des biens et des maux invisibles, de nous faire regarder les objets visibles comme une figure des objets invisibles, et les choses présentes comme une figure des choses futures. L'homme passe comme l'ombre et en figure, c'est la voix du prophète. Psaume 38, 7. La figure de ce monde passe, c'est l'enseignement de l'apôtre. 1 Corinthiens 7, 31. C'est ainsi que tout ce qui est sur la terre doit être entre les mains de l'homme, un instrument à l'aide duquel il s'efforce de tendre sans cesse vers la fin pour laquelle Dieu l'a créé. Quel ample sujet de considération et d'application aux besoins personnels du retraitant. Le bon usage des créatures. D'où il suit que l'homme doit en faire usage, textuellement, autant qu'elle l'est pour sa fin, et qu'il doit s'en dégager autant qu'elles sont un empêchement à sa fin. Telle est la conséquence naturelle et rigoureuse qui découle du principe que nous venons de développer sur la fin des créatures. En effet, si toutes les créatures, sans exception, ont été créées pour l'homme, et pour l'aider dans la poursuite de sa fin, il est évident que le motif qui peut me porter à en user ou à m'en abstenir doit se trouver dans la réponse à cette question. Me sont-elles utiles ou non pour ma fin? Par conséquent, si je remarque que quelques-unes en particulier me sont véritablement utiles, je dois m'en servir autant qu'elles me sont utiles, ni plus ni moins. Si je remarque, au contraire, que quelques-unes me sont nuisibles, je dois m'en abstenir, je dois les repousser, je dois m'en dégager autant qu'elles me sont nuisibles, ni plus ni moins. Car telle est la nature des objets que nous appelons moyens ou instruments, nous ne devons considérer en eux qu'une seule chose, s'ils sont, et jusqu'à quel point ils sont moyens ou instruments propres à la fin que nous nous proposons en les employant. S'ils n'ont pas cette aptitude, ce ne sont plus des moyens, ce ne sont plus des instruments, et ils le seraient bien moins encore s'ils étaient positivement contraires à notre fin. Principe de haute sagesse, dont l'application pratique règle véritablement et proprement toutes nos actions selon les lumières de la droite raison, parce qu'il nous fait toujours envisager comme fin ce qui est fin, et ce qui est moyen comme moyen, et seulement comme moyen. La fin que nous nous proposons une fois bien déterminée, bien comprise, nous ne devons plus ni désirer ni employer les moyens que par rapport à cette fin. L'application de ce principe tout pratique est presque infinie. Et il est comme impossible de commencer à examiner sérieusement toutes les actions de sa vie à cette vive lumière, sans découvrir bientôt un vrai désordre dans toute sa conduite. L'homme considère si rarement, et se rappelle si peu cette fin unique de toutes les créatures. Il interroge, il consulte avant tout ses répugnances et ses goûts. De là le dérèglement, de là les imperfections, de là les péchés, car enfin, que cet objet flatte mes sens ou qu'il leur répugne, ce n'est nullement une raison de l'embrasser ou de le repousser. Ce qui me plaît peut bien être, et sera très souvent un obstacle à ma fin, et ce qui me déplaît peut bien être, et sera très souvent utile, quelquefois même la seule chose utile à ma fin. Mais non, nous n'embrassons que rarement ce qui répugne à nos sens, le plus souvent nous le fuyons, nous l'avons en horreur, nous désirons au contraire, nous recherchons avec empressement, nous embrassons avec passion ce qui leur est agréable, nous nous en servons, nous en jouissons même sans ordre comme sans mesure, ne cherchons pas ailleurs la source de tout le mal. Cette application doit se faire diversement, Selon la diversité des personnes, elle regarde également, du reste, et l'homme, mondain qui a besoin de sortir du bourbier du vice où il est plongé, et l'homme, intérieur qui doit déraciner tout ce qui est en lui un obstacle à la perfection. Quant aux paroles suivantes, vraiment remarquables, autant que, ni plus ni moins, elles sont l'expression de la perfection la plus élevée. Or cette perfection est vraiment digne de l'homme, la raison seule la demande de l'homme, parce qu'il est homme, que dire du chrétien, du religieux? Quel est donc celui qui, s'examinant d'après ce principe, ne commence enfin à découvrir tout ce qui lui manque? Seigneur, faites-moi connaître ma fin, pour que je sache ce qui me manque. Conclusion pratique, ou moyen. Littéralement, c'est pourquoi il est nécessaire de nous faire indifférents à tous les objets créés, en tout ce qui est laissé à la liberté de notre franc arbitre, et ne lui est pas défendu, en sorte que, de notre côté, nous ne voulions pas plus la santé que la maladie, les richesses que la pauvreté, l'honneur que le mépris, une longue vie qu'une vie courte, et ainsi de tout le reste, désirant et choisissant uniquement ce qui nous conduit plus sûrement à la fin pour laquelle nous sommes créés. C'est pourquoi, c'est-à-dire, afin de parvenir à faire un usage aussi parfaitement réglé des créatures, il est nécessaire de nous montrer, de nous rendre, de nous faire indifférents pour toutes les choses créées. C'est ici la conclusion pratique et légitime de tout ce qui précède, et en même temps le moyen de parvenir à la perfection dont nous parlions il n'y a qu'un instant, car ces paroles nous enseignent une disposition de l'âme, sans laquelle il nous serait absolument impossible d'observer la règle qui nous recommande d'user ou de nous priver de l'usage des créatures, autant qu'elles sont un moyen ou un obstacle à notre fin, ni plus ni moins. Pour cela il est nécessaire, remarquez le mot nécessaire, de nous montrer, de nous rendre, de nous faire indifférents à l'égard de tous les objets créés. Tous les objets créés, considérés en eux-mêmes, sont en effet indifférents, puisque tous peuvent également être nuisibles ou utiles à notre fin. C'est une vérité que la philosophie elle-même, sans autre secours que les lumières de la raison, a parfaitement comprise, elle qui nous défend de donner aux objets visibles le nom de bien ou de mal, elle qui les appelle indifférents. Mais les lumières de la foi nous ont rendu cette vérité tellement évidente, que si Dieu permettait à quelqu'un de choisir ce qu'il désire en lui adressant cette question, de ces objets, lequel est le plus avantageux pour te conduire à ta fin dernière, qui est le salut de ton âme? Nous ne comprenons pas que cet homme, s'il jouit de sa raison, puisse répondre autre chose que ce mot. Je l'ignore, Seigneur, vous seul le savez. Puisqu'il en est ainsi, il s'ensuit que rien ne peut être plus juste en soi, plus avantageux à notre salut, plus conforme à la vraie sagesse, que de nous montrer entièrement indifférents à l'égard de toutes les créatures. En tout ce qui est laissé à la liberté de notre franc arbitre, et ne lui est pas défendu. Ces paroles, qui règlent et limitent l'indifférence, sont nécessaires, car, bien qu'il soit vrai de dire que tous les objets créés sont indifférents en eux-mêmes, cependant, relativement à nous, et dans des cas particuliers, il en est un grand nombre que nous devons éviter, que nous devons repousser de toutes nos forces, comme il en est beaucoup d'autres que la loi divine, que notre emploi, que la justice, que la charité, nous obligent de conserver, et auxquels nous sommes tenus d'accorder ou de prodiguer nos soins. Les derniers de ces objets sont donc des biens par rapport à nous, les premiers, des maux, et il n'est pas laissé à notre liberté d'être indifférent à l'égard des uns ni des autres. Aussitôt que la volonté de Dieu ordonne ou défend quelque chose, c'est pour nous un devoir rigoureux de vouloir avec le souverain maître ce qu'il veut, et de ne vouloir pas ce qu'il ne veut pas. Les paroles qui suivent de notre côté ont le même sens. Elles signifient, autant que cela est en nous, que cela dépend de nous, de notre volonté. En sorte que, de notre côté, nous ne voulions pas plus la santé que la maladie, les richesses que la pauvreté, l'honneur que le mépris, une longue vie qu'une vie courte. Saint Ignace en vient au détail, et fait ici l'énumération de quatre chefs qui renferment une multitude d'objets particuliers, auxquels nous devons appliquer cette doctrine de l'indifférence. Nous ne voulions pas plus. Il s'agit ici d'une disposition de l'âme, d'une détermination libre de la volonté. L'auteur des exercices pouvait se servir de l'expression suivante. Nous ne recherchions pas plus. Oui, en parlant de la pauvreté et des richesses, et même de l'honneur et de l'ignominie, qui, considérés en eux-mêmes, sont des objets indifférents. Mais la santé et la maladie, la longueur et la brièveté de la vie sont d'un autre ordre. La conservation de la santé et de la vie n'est point abandonnée à notre libre arbitre, elle tombe sous un précepte formel, et il ne nous est nullement permis de rechercher la maladie ou d'abréger la durée de notre vie. Cependant, nous ne devons pas non plus vouloir absolument la santé plutôt que la maladie, ni une vie longue plutôt qu'une vie courte. Il faut toujours que, de notre côté, nous conservions cette disposition à l'indifférence parfaite à l'égard de ces objets, comme à l'égard de tout ce qui n'est pas en notre pouvoir, mais dépend de la providence de celui qui gouverne tout, et connaît seul ce qui doit nous conduire plus sûrement à notre dernière fin, ce qui peut nous aider ou nous arrêter davantage. Les richesses et les honneurs ont été sans doute pour quelques-uns une source de mérite et de bonnes œuvres, mais, pour un très grand nombre, ils ont été la cause de leur perte et de leur damnation éternelle. Les uns se sont sauvés par la voie de la pauvreté et des ignominies, un très grand nombre ont aussi trouvé leur salut dans la maladie, et une mort prématurée a ouvert le ciel à beaucoup d'élus. Tandis qu'une santé prospère et de longues années ont été pour d'autres un moyen puissant d'étendre la gloire de Dieu, et d'acquérir des trésors immenses de mérite pour l'éternité. Quant à nous qui, parmi tant de sentiers divers, ignorons lequel doit nous conduire plus directement et plus sûrement au salut, que nous reste-t-il à faire, si nous voulons agir avec sagesse? Qu'à ne vouloir pas suivre l'un de préférence à l'autre, à nous abandonner à Dieu avec confiance, et avec une indifférence pleine et entière d'esprit et de volonté? Soyons du reste bien persuadés que, s'il plaît au Seigneur de nous envoyer des adversités, elles seront pour nous la meilleure occasion de rendre à Dieu, d'une manière excellente et héroïque, ce triple devoir de louange, de respect et de service, et par conséquent un moyen puissant d'assurer notre salut. Et ainsi de tout le reste, la nécessité de nous rendre indifférents s'étend encore à tous les objets qui ne seraient pas renfermés dans les quatre chefs que nous venons de parcourir, et il en est un très grand nombre. Les talents et les dons de la nature distribués avec plus ou moins d'égalité, les dons surnaturels, les consolations et les désolations intérieures, la condition de rang que l'on occupe dans le monde, l'habitation, l'emploi, les occupations de cet emploi, les personnes avec lesquelles on est obligé de vivre, leur caractère, leur conduite, enfin tous les événements heureux ou malheureux, et non seulement ce qui nous touche nous-mêmes, mais encore ce qui regarde nos proches, leur fortune, les changements dans leurs affaires, leur propre vie, en un mot toutes les affaires privées ou publiques, tous ces objets, et une infinité d'autres, se trouve compris dans ses paroles, et les autres choses qui sont sur la face de la terre, et il est nécessaire que notre indifférence s'étende à tous, qu'il soit agréable ou contraire à la nature, toujours comme il a été dit. En ce qui est laissé à la liberté de notre franc arbitre, et ne lui est pas défendu. Désirant et choisissant uniquement ce qui nous conduit plus sûrement à la fin pour laquelle nous sommes créés. Le choix est plus restreint que le désir, mais, soit que l'on puisse ou que l'on doive nécessairement choisir, comme il arrive tous les jours en beaucoup d'occasions, soit que l'on ait seulement la liberté de désirer. La règle de la véritable sagesse est toujours la même, et nous commande toujours de considérer uniquement ce qui nous est le plus avantageux pour parvenir à notre fin. Qui ne comprend maintenant l'étendue immense de l'application de cette doctrine, la perfection de sa pratique. Et comme il arrive ordinairement que les objets qui nous plaisent naturellement nous conduisent moins sûrement à notre fin, et que ceux qui nous déplaisent nous y conduisent plus sûrement. Avec quelle abondance de lumière ce seul principe ne nous montre-t-il pas la nécessité de l'abnégation et de la mortification, qui habitue notre volonté, même malgré elle, à s'abstenir, par amour pour la vertu, de ce qu'elle désire, et à embrasser ce qui lui répugne? La philosophie, nous la citerons une seconde fois, a connu aussi cette doctrine, souffrir et s'abstenir, nous dit-elle en son incisif langage, sustine et abstine. Et ce serait bien en vain que sans la mortification l'on s'efforcerait de parvenir à l'indifférence, puisque c'est ou par la mortification seule, ou surtout par la mortification, que l'on peut se faire, se rendre, se montrer indifférent. Ce n'est au reste qu'avec le secours de la grâce que nous pouvons accomplir ce que demande de nous cette méditation fondamentale. Quelque évident que soient les principes qui doivent servir de règle de conduite à tout homme, raisonnable, telle est la faiblesse de la volonté humaine, que jamais elle ne pourra s'y conformer dans la pratique, sans la grâce de Jésus-Christ. C'est par cet avertissement que nous avons commencé cette explication, c'est par là que nous la terminerons, de peur que l'évidence même de ces vérités venant à produire en nous une présomption secrète, une triste expérience ne nous oblige d'avouer que nous voyons et approuvons ce qui est parfait, et que nous suivons ce qui ne l'est pas. Disons donc avec l'Église, dans l'octave de l'Épiphanie, Seigneur, faites-nous la grâce de comprendre ce que nous devons faire, et donnez-nous la force de mettre en pratique ce que nous aurons compris. Nous vous le demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Markendanarchive.org, 2020, d'après Archive.org Université de Toronto, Université d'Ottawa et livremystique.com, licence Creative Commons. Pas d'usage commercial, partage à l'identique.